en tout cas. Jean chapitre 20. Et écoutons le petit paragraphe qui commence au verset 19. Ce même dimanche, donc le même dimanche dont Jacques nous a parlé la semaine passée, et la rencontre de Jésus avec Marie de Magdala, donc ce même dimanche, donc le jour de la résurrection. Dans la soirée, les disciples étaient dans une maison dont ils avaient soigneusement verrouillé les portes parce qu'ils avaient peur de leurs compatriotes. Jésus vint et il se trouvait là au milieu d'eux et il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Tout en disant cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie parce qu'ils voyaient le Seigneur. « Que la paix soit avec vous », leur dit-il de nouveau. « Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après avoir dit cela, il souffla sur eux et continua. « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous remettrez leurs péchés en seront effectivement tenus quittes. » Et ceux à qui vous les retiendrez en resteront chargés. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce temps intéressant de chant dont Daniel et l'équipe nous a animés ce matin. Et merci pour ce temps de partage, de prière, que nous puissions être en communauté pour t'honorer. Et maintenant, Seigneur, nous arrivons devant ce texte et de continuer dans l'esprit de Pâques et de nous rappeler que toi, le Fils ressuscité d'entre les morts, est aussi le Fils qui continue sa mission comme l'envoyé du Père et que tu nous invites dans cet envoi. Donc, Seigneur, ce matin, j'ai deux requêtes. Seigneur, tout d'abord, aide-nous de bien comprendre ce texte, parce qu'il y a des volets là-dedans qui sont compliqués. Mais Seigneur, nous ne voulons pas rester boqués sur ce qui n'est pas clair. Nous voulons surtout comprendre ce qui est clair. Mais deuxièmement, Seigneur, nous ne voulons pas simplement comprendre le texte. Libère ton esprit pour que nous puissions l'appliquer cette semaine, pour que nous puissions vivre comme un peuple envoyé, comme tu as envoyé ton Fils. Et nous prions ces deux choses au nom de Jésus, le ressuscité. Amen. Amen. Ce matin, j'aimerais surtout concentrer sur le verset 21. Comme le Père m'a envoyé, Jésus a dit, le jour de sa résurrection d'entre les morts. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Et dans l'esprit de Pâques, regardons ensemble, qu'est-ce que ça veut dire que Jésus a été envoyé? Donc, nous aussi, de la même façon, nous sommes envoyés. Et j'aimerais encadrer cette réflexion et cette étude dans une réflexion sur la Trinité. Maintenant, je sais que chaque fois qu'on mentionne le mot « Trinité », le monde, les yeux deviennent un peu glacés et on dit « mystère, mystère ». Et moi, c'est vrai, je me souviens de ce que saint Augustin a dit, que celui qui nie la Trinité risque son salut et celui qui essaie de camperant, la Trinité va perdre sa tête. Donc, on va essayer ce matin d'encadrer. Je dis ça là pour cette raison. Loin d'être une idée biblique et théologique out there, plus j'essaie de comprendre, sans perdre ma tête, la Trinité. Et n'oubliez pas, Dieu est un petit groupe. Dieu, le Créateur, Père, Dieu le Fils ressuscité, Dieu le Saint-Esprit qui agit aujourd'hui, est un petit groupe. une excellente raison pour laquelle nous tous, nous devrions être dans un petit groupe, pour refléter la Trinité. Mais cette Trinité n'est pas une entité, une instance, trois modes d'être stériles ou statiques. La Trinité est une Trinité en action et en action continuelle. Pour cette raison, nous pouvons décrire fondamentalement la Trinité comme un Dieu en action, un Dieu apostolique, ou si vous voulez, une Trinité missionnaire. Parce que la Trinité est toujours en action. Dieu, le Créateur, a créé ce matin. Il soutient ce qu'il a créé. Comme nous allons voir ce matin, le Fils ressuscité n'a pas simplement monté en haut et, comme on dit en bon québécois, il s'est assis sur son steak. Non, il est toujours en action. Et le Dieu, le Saint-Esprit, nous anime aujourd'hui, le 2 mai, à 11h19. La Trinité est un Dieu collectif, corporel, en action, apostolique. C'est un Dieu qui est toujours en envoi. Et ce dimanche, le cinquième dimanche de Pâques, regardons comment Jésus a encadré cette dimension apostolique, cette dimension missionnaire de Dieu. Et j'aimerais remercier Hélène de nous avoir fait chanter « Fais de nous des bâtisseurs de paix » parce que ça fait intégral de ce texte ce matin. Et même, j'allais citer le poème ou le chant de saint François d'Assise, mais il n'est plus nécessaire. Donc, merci Hélène, tu m'as sauvé 2-3 minutes dans mon message. Parce qu'on vient de le chanter. Donc, c'est là où on veut aller ce matin. Mais commençons avec une petite étude de texte avant de parler de ses conséquences pour vous et moi, aujourd'hui et cette semaine. Oui, le texte commence avec une conjonction de temps, OK, ce même dimanche. Donc, si vous reculez au chapitre 20 et le verset 1er, le dimanche matin, très tôt. OK? Donc, on est dans cette journée où les deux femmes et par la suite les disciples ont découvert que Jésus a été ressuscité d'entre les morts. Et la semaine passée, verset 11, pendant ce temps, donc ce même dimanche, et tout ce que Jacques nous a enseigné la semaine passée. Donc maintenant, on est dans le soir. Ce même dimanche, dans la soirée. Et dans le texte, nous apprenons que les disciples se trouvent dans une nouvelle chambre haute. Peut-être celle des chapitres 13, 14, 15, 16 et 17 de Jean, on ne sait pas. Mais les portes sont verrouillées. Parce que le texte dit, les disciples étaient dans une, et le mot ici est fort, dans une phobie à cause de leurs compatriotes, à cause des Juifs. Et ça, c'est un thème de Jean. Un des thèmes de Jean, c'est la peur, cette phobie qui avaient les disciples des Juifs. Et c'est un des thèmes de Jean, ce conflit entre ceux qui suivent Jésus et les chefs religieux. Et maintenant, les disciples ont l'impression que la cause est perdue. Donc, ils se trouvent dans une chambre haute, éloignée, la porte est fermée, verrouillée. Probablement, ils voulaient perdre les clés. ils avaient peur. Et, à la fin du verset 19, Jésus, ressuscité, celui qui était mort a repris vie et a continué dans son corps, mais un corps nouveau apparaît parmi eux. Ce n'est pas une fantôme. Ce n'est pas l'esprit de la résurrection. Okay? Les mythes dont je vous en ai parlé le jour de Pâques. Non, c'est Jésus dans la chair, mais une nouvelle, un nouveau corps, une nouvelle personne. Il est là devant eux, et qu'est-ce qu'il leur dit? Que la paix soit avec vous. Quand Sandy et moi, quand nous nous sommes mariés, il y a 34 ans. Oui, oui, ça fait une semaine. Comme on dit en bon québécois, on a toffé le run. Okay? On a toffé le run. Mais on a utilisé le chant de Saint-François d'Assise comme le thème de nos noces. Et il y a une amie a chanté ce chant lors de nos noces. Et depuis ce temps-là, nous avons le poème, le chant de Saint-François d'Assise dans notre chambre. Et dans notre aile d'entrée, nous avons ça. Manon a bien dit, hey, c'est l'hébreu. Shalom. Oui, shalom. Maintenant, dans le texte grec ici, nous avons ce mot en grec. Donc ça, c'est le mot hébreu, mais la paix, shalom, à vous tous. Et d'un côté, c'était la façon typique de saluer quelqu'un. Et même si vous allez aujourd'hui à Snowden, si vous allez à Hampstead, si vous allez dans les quartiers juifs de Montréal, Outremont, surtout auprès des juifs orthodoxes russes, et quand vous entendez soit le yiddish ou l'hébreu au coin de la rue, vous allez constamment entendre « shalom ». Et quand vous parlez aux juifs sans froid, soit en français ou soit en anglais, ils vont toujours vous dire « shalom ». Donc, d'un côté, c'est une façon typique de dire « bonjour, comment ça va ?» Mais de l'autre côté, ce mot est imbibé de réalité vétérotestamentaire, de réalité de l'Ancien Testament. Voici le mot qui souligne le bien-être, l'harmonie, la plénitude, la complémentarité. Mais pas simplement l'harmonie en moi-même ou l'harmonie générale. J'écoutais les nouvelles cette semaine, Radio-Can, et le journaliste en rapportant d'Afghanistan a mentionné « Ah, il y avait la paix à Kandahar aujourd'hui. » Ben, j'ai rigolé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que personne n'a tiré contre une autre. Il n'y avait pas un bombe qui a explosé. Aucun terroriste n'a fait quoi que ce soit. Et en français, on a pu dire que parce que personne n'a tiré contre une autre, il y avait la paix. Mes amis, il n'y avait pas de shalom à Kandahar cette semaine. Parce que l'harmonie, la complémentarité, la plénitude, c'est ça qui existe entre deux personnes, deux groupes, deux clans, deux nations. Le mot veut dire aussi que le shalom est un état de justice et de paix. Les psalmistes en parlent. Même en psaume 85, ça dit que la justice et la paix s'embrassaient. Et combien de fois, même dans notre quartier, il y a la dite paix, mais est-ce qu'il y a la justice? Et vendredi, quand la police a fait la descente dans notre quartier ici, la police a dit, « Ah, finalement, il y a de la justice, mais est-ce qu'il y a de la paix? » Donc, shalom représente cette complémentarité, cette plénitude, mais ça représente aussi tout un ensemble de vertus qui se trouvent dans le projet de Dieu. Et n'oublions jamais, quand Ésaïe a parlé du Messie, en Ésaïe 9 et 6, qu'est-ce qu'il a dit? Le Messie allait venir et son nom est Prince de Shalom. Ça, c'est Jésus. Donc, quand Jésus est arrivé là, au verset 20, et il a dit, et au verset 19, et il a dit, la paix soit avec vous, c'était pas simplement une façon de dire bonjour, mais c'était une façon de souligner le projet de Dieu arrive à sa fin, il n'est plus nécessaire d'être caché dans cette chambre haute, dans une peur épouvantable des autres. Vous êtes dans cet état de shalom à cause du Christ ressuscité. Et maintenant, regardez le verset 20 maintenant. Donc, il leur montrait ses mains et ses côtes pour prouver que ce n'est pas simplement un fantôme. Ce n'est pas simplement un esprit qui est là. Non, c'est une personne ressuscitée, identifiable. Ils pouvaient ici voir les cicatrices, les plaies, et ils étaient capables de dire, « Ah, celui-ci, c'est celui que nous avons enterré. Il est véritablement ressuscité. » Et maintenant, qu'est-ce que le texte dit? Il se remplit de joie. Donc, qu'est-ce que Jésus a dit? Verset 21. Shalom. Pas de peur épouvantable, pas d'une extase inexprimable. Non, shalom. Et maintenant, verset 21. La deuxième partie. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et regardez le texte. Comme. OK. De la même façon. De la même manière. Et maintenant, Jésus est très ponctuel ici. Comme le Père, à un moment donné, m'a envoyé. Et ça, c'était facile pour eux de comprendre et pour nous. Tout l'évangile de Jean, c'est le Père qui a envoyé. Il n'y a pas un autre évangile qui utilise ce verbe autant que Jean. On va regarder certains exemples dans deux secondes. Mais comme le Père m'a envoyé à un moment ponctuel dans l'histoire, moi aussi, donc il s'identifie avec le Père. Et dans deux secondes, il va parler de l'Esprit. Donc vous voyez, c'est la Trinité en action. Comme le Père m'a envoyé à un moment précis, moi aussi, je m'identifie avec celui qui m'a envoyé et maintenant, je vous envoie. Mais maintenant, le temps des verbes est différent. Ce n'est pas que je vais vous envoyer ou que vous avez été déjà envoyé. Non, je vous envoie maintenant et c'est une action continuelle. Donc, il faut prendre ce mot, comme, et de poser la question, comment est-ce que le Père a envoyé le Fils? Parce que si nous comprenons bien la façon que le Père a envoyé le Fils, nous pouvons comprendre davantage la façon que Jésus et la Trinité nous envoient, n'est-ce pas? Oui. OK? De la même façon, de la même manière, si vous voulez, de la même méthode que le Père a envoyé Jésus, Jésus nous envoie. Maintenant, faisons la distinction. Il y a une différence entre la façon que Jésus a été envoyé et la raison pour laquelle Jésus a été envoyé. Faisons cette distinction. Jésus a été envoyé. OK, la raison, le pourquoi est assez clair. Dans le sermon sur la montagne, Jésus a dit, « J'ai été envoyé pour accomplir la loi. » En Jean 13, Jésus dit que j'étais envoyé comme l'agneau de Dieu pour purifier le monde. Et il a utilisé l'exemple du lavement des pieds pour l'illustrer, et une illustration du service. Et c'est dans ce même contexte que Jésus a dit, « Je ne vous appelle plus, mes disciples, je vous appelle mes amis, et je suis ton serviteur. » Dans 1 Jean, chapitre 3, le même auteur va dire que « J'étais envoyé pour détruire les œuvres du malin. » Et dans chapitre 4 et dans les versets 9 à 10, 1 Jean encore, même auteur, j'étais envoyé pour vous montrer l'amour de Dieu. Donc, Jésus a été envoyé pour accomplir la loi, il a été envoyé comme un serviteur. Il a été envoyé pour détruire les œuvres du malin. Il a été envoyé pour nous montrer l'amour de Dieu. Donc ça, c'est le pourquoi. Mais c'est quoi le comment? C'est quoi, de la même manière, le comme de ce texte? Il y a trois textes qui m'inspirent à ce niveau ici. Et je vais rester en Jean, parce qu'il me semble que Jean nous a quelque chose à dire. Mais ça ne veut pas dire qu'on veut négliger Matthieu, Marc et Luc. Mais Jean, il a dit ceci. Comment est-ce que le Père a envoyé Jésus? Jean chapitre 1 et le verset 14. Reculez. 19 chapitres. Jean chapitre 1er et le verset 14. Et celui qui est la parole est devenu homme et a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique, envoyé par son Père, plein de grâce et de vérité. Comment est-ce que Jésus a été envoyé? Il a été envoyé comme la parole incarnée. La parole s'est faite chair. Comment est-ce que Dieu a envoyé Jésus? Ben, disons-le à l'envers. Quand Dieu voulait annoncer son projet ultimement à l'humanité, appeler tout l'Ancien Testament, il n'a pas écrit dans le ciel, « J'existe, croyez en moi ». Il aurait pu le faire. Ah, il n'a pas décidé de prendre une antenne pour annoncer c'est Jérusalem. Jésus existe, il est là. Il n'a pas pris l'antenne de Radio Cannes à la télévision, il n'a pas pris l'Internet, il n'a pas imprimé un petit dépliant, il n'est pas annoncé sur la une du journal de Jérusalem que Jésus est là. Non, il n'a pas opté pour un médium secondaire. Il a décidé de devenir un être humain comme vous et moi. Donc, Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé comme un être humain auprès de vous, je vous envoie comme un être humain auprès des êtres humains. Pour ainsi dire, l'incarnation, okay? L'incarnation dans la chair, c'est la méthode, le comme, le plus important de la Trinité. Pas d'incarnation, pas de mission. Pas d'incarnation, pas de l'œuvre apostolique. Pas d'incarnation, pas d'envoyé de Dieu. Ça, c'est la méthode que Dieu a priorisée. Mais il y a une deuxième chose. Tournez à Jean 13, je viens de le mentionner, mais regardons-le de nouveau. Jean chapitre 13. Voici la deuxième, ma deuxième conclusion sur la façon que Jésus a été envoyé. Regardez. OK, vous connaissez le contexte dans Jean 13, c'est le lavement des pieds. Maintenant, verset 13, regardons la dernière partie du verset 13 à 20. « Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc moi, le seigneur et le maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous aussi vous laver les pieds des uns des autres. Je viens de vous donner un exemple pour qu'à votre tour, vous agissiez comme j'ai agi envers vous. Vraiment, je vous l'assure, un serviteur n'est jamais supérieur à son maître, ni un messager plus grand que celui qui l'envoie. » Si vous savez ces choses, vous êtes heureux à condition de les comprendre? Non. De les pratiquer. Je ne parle pas de vous tous. Je sais très bien quels sont ceux qui j'ai choisis. Mais il faut que l'Écriture s'accomplisse, car celui lequel j'ai partagé mon pain se retourne contre moi. Je vous le dis dès maintenant, avant que cela ne se produise, pour qu'au moment où cela arrive, vous croirez que moi, qui je suis. Vraiment, je vous l'assure, que qui reçoit celui que j'envoie, me reçoit moi-même. Et qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Donc, c'était quoi la deuxième façon que Dieu a envoyé Jésus? Comme un serviteur qui était prêt de faire, et comprenez-moi bien, mes amis, ce qu'un juif n'aurait jamais fait auprès d'un autre juif. Vous savez, le lavement des pieds, un coutume typique dans les résidences juives, et c'était fait d'une façon... Franchement, pas très catholique. Parce qu'ils mettaient le repas au milieu de la salle. Et ensuite, les gens sont arrivés et tout le monde s'est assis comme ça, avec les coussins en arrière, et ils mettaient leurs pieds proche de la bouffe. Voilà. Voilà. Donc, lorsque c'était le temps de laver les pieds, les non-juifs sont venus et ils ont lavé des pieds des gens. Mais parce que c'était tellement sale, et n'oubliez pas, on n'est pas à Montréal, OK? On est en plein lieu désertique où il faisait très chaud et très poussiéreux. Et en laver des pieds, mais c'était les non-juifs qui lavaient des pieds des juifs. C'était interdit dans le code civil pour un juif de laver des pieds des autres. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Lui, il a fait ce qu'un juif, même un juif serviteur, même un juif esclave, même un juif pauvre, ne faisait jamais auprès d'un autre juif. Et Jésus l'a fait pour ses disciples. Donc, Jésus a été envoyé comme le Fils incarné. Et de la même façon, Jésus dit, je vous envoie. Et maintenant, je vous envoie. J'ai été envoyé comme un serviteur qui était prêt de faire la chose la plus dégradante, sale, épouvantable, haïssable. Et je l'ai fait pour vous. Et dans le texte, il dit, faites-le comme moi je l'ai fait. Et troisièmement, donc il a été envoyé comme le Fils incarné, il a été envoyé comme un serviteur prêt de faire ceci. Mais maintenant, tournez à Jean 17. Et en Jean 17, regardez ce que Jésus dit sur le fait qu'il a été envoyé. Jean 17 et le verset 13. « Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Pensez-y pour deux secondes. Lorsqu'on parle souvent de la vie éternelle, on pense au ciel, n'est-ce pas? On dit, ah bon, une fois que Jésus revient, on va aller au ciel, on va aller au paradis, et ça va être la vie éternelle. Dans ce texte ici, mes amis, nous sommes dans la vie éternelle maintenant. Parce que la vie éternelle, ce n'est pas l'au-delà. C'est le ici-bas. Si vous connaissez Jésus-Christ, vous connaissez la raison pour laquelle il a été envoyé pour faire connaître Dieu et lui-même. On est dans le paradis maintenant. Ce n'est pas toujours évident, mais c'est ça que le texte dit. Regardez maintenant le verset 8. Car je leur ai transmis fidèlement le message que tu m'avais confié, ils l'ont reçu. Aussi ont-ils reconnu avec certitude que je suis venu auprès de toi, et ils ont cru c'est que toi, ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. Donc, lorsqu'on croit en Jésus, on croit dans le Dieu qui l'a envoyé. Verset 21. Je te demande qu'ils soient tous un. Comme toi, Père, tu es en moi et comme moi, je suis en toi. Toi, qu'ils soient un et nous, pour que le monde croit que c'est toi qui m'as envoyé. Donc, cette unité qui existe dans la Trinité, si nous croyons en lui, nous nous trouvons dans la Trinité. Le verset 23. Moi et eux, toi en moi, qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé. Le verset 23, c'est la raison la plus concrète pour qu'il y ait une harmonie entre chrétiens. Parce que si nous croyons que Dieu a envoyé le Fils, et si nous croyons dans le Fils, ça c'est la raison pour laquelle nous sommes un. Donc ce n'est pas simplement ces autres familles d'Église, c'est nous sommes un, parce que le Fils a été envoyé. Le verset 25, « Père, toi qui es juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux qui m'ont compris que c'est toi que tu m'as envoyé. » Donc Jean, il déborde de cette action, que le Dieu trinitaire est un Dieu missionnaire, un Dieu apostolique, un Dieu qui envoie, et c'est dans l'envoi. Donc, dans mes notes, j'ai dit, le troisième aspect de cette manière, de cette méthode, de ce « comme », c'est que Jésus a été envoyé comme une déclaration audacieuse que Dieu existe et qu'en croyant en lui, nous nous trouvons dans cette déclaration. Et Dieu merci qu'il n'y a pas simplement nous ici, à Hochelaga Maisonneuve, qui croyons en Jésus-Christ. Nous faisons partie d'un tout, d'un ensemble de gens qui confessent que Jésus est Seigneur. Et c'est dans cette unité que nous faisons une déclaration audacieuse que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Donc, de la même façon que Dieu a envoyé Jésus, Fils incarné, serviteur prêt de faire ce qui est haïssable, et comme une déclaration audacieuse que Dieu existe et que Jésus est ressuscité, de la même façon, Jésus nous envoie dans le monde. Donc imaginez, quand vous quittez ce lieu cet après-midi, et quand vous allez au boulot demain, ou aux études demain, ou si vous flânez chez vous demain soir, peu importe, vous êtes Jésus auprès de vos voisins et vos voisines, auprès de vos collègues au travail, auprès de vos collègues à l'université ou au cégep. Parce que nous sommes la parole incarnée. Nous sommes des serviteurs. Prêt de faire ce qui est des fois plate. Hey, c'est facile d'aider mon voisin quand c'est des choses faciles à faire. C'est facile d'aider mes filles quand ça m'attente. Mais depuis 2 semaines, j'ai rempli tout leur formulaire d'impôt. Ça, c'est pas mal plate. Ah ouais, Michel, t'es d'accord. Écoute, je leur dis, écoute les filles, et mes gens aussi, je vous ai montré depuis 2 ans l'an passé, comment le faire. Oh, mais papa, tu trouves toujours plus d'argent qu'en trouve. C'est vrai. Moi, je trouve de l'argent pour eux autres. C'est leur argent, je veux que le gouvernement les rembourse. Je veux que le gouvernement me rembourse aussi, plus vite qu'ils le font. Donc, de servir. Mais ensuite, dans notre entité, pas simplement comme Daniel, Nathalie, Jacques, Nicolas, mais comme nous tous, nous sommes une déclaration en tant que communauté que Dieu existe et que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Quand nos voisins et nos voisines nous voient, ils voient le Dieu créateur. Et quel message est-ce qu'on envoie? Donc, le « comme » est important. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Mais afin de rendre le message même plus clair, regardez ce que Jésus a ajouté. Donc, retournez au verset 22 maintenant, versets 22 et 23. Et maintenant, on arrive dans les deux versets les plus épineux du texte. Mais ça serait facile de dire, OK, voici la fin du message. Mais ce n'est pas la fin du paragraphe. Regardez ce que Jésus ajoute. Après avoir dit cela, il souffla sur eux et dit, recevez le Saint-Esprit. Mes amis, à mon goût, à moi, Jean l'a mis à la mauvaise place. Parce que il faut attendre. Un, deux, trois pages. Non, même quatre. Quatre pages. Acte 2. Pourquoi est-ce que Jésus le dit ici quand l'événement n'aura pas lieu pour 50 jours? Ben, Pente, 50, compte. Mais Jésus le fait ici. La seule façon que moi je peux comprendre le verset 22, c'est de cette façon. Jésus était là avec les 11, peut-être les femmes aussi. On ne sait pas si c'est les 120, je pense que non. Mais Jésus dit, recevez le Saint-Esprit. Mais maintenant, ce texte est un des derniers de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament. Et une fois que Jean l'avait rédigé et que le texte commençait de circuler, le Pentecôte aurait déjà eu lieu. Et ceux qui lisent le texte ont compris, quand Jésus a dit « recevez le Saint-Esprit », c'était un peu comme un parabole, un peu de théâtre que Jésus a fait pour anticiper ce qui allait avoir lieu en 50 jours. Et c'était une façon de les préparer. À ce moment ici, les 11 n'ont pas reçu une partie du Saint-Esprit avant les autres, en anticipation. Non, maintenant, en lisant le texte et en se rappelant de ce que Jésus a dit, ils ont dit, « Ah bon, le Pentecôte, c'est ça que Jésus avait annoncé. » Ah, OK, on comprend. Donc, c'était comme un parabole, un petit verset, une petite nuance que Jésus a lancée pour les préparer pour la Pentecôte. Et maintenant, la deuxième chose, qui est probablement même plus compliquée que ça, verset 23. « Ceux à qui vous remettez leur péché en sera effectivement tenu quitte. Et ceux à qui vous les retiendrez en resteront chargés. » Et encore, ça serait beaucoup plus facile si Jean ne les avait pas mis dans le texte. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? La seule façon que moi je peux les comprendre, c'est Jésus avait dit la même chose en Matthieu 16 et en Matthieu 18. Mais la tournure de phrase en Matthieu 16 et 18 est un peu plus claire. Jésus aurait dit quelque chose comme ça. À tous ceux à qui vous accordez le pardon, leurs péchés ont été déjà pardonnés. Et ceux à qui veulent garder leurs péchés ont été déjà retenus. Pour ainsi dire, dans ce texte ici, Jean utilise un temps des verbes qui parle d'un état des choses. Donc, ceux qui se trouvent dans un état de pardon, le pardon est donné. Ceux qui se trouvent dans un état d'éloignement de Dieu, ils sont dans cet état-là. Mais l'accent ici n'est pas sur les disciples et ce n'est pas sur vous et moi, parce que le verbe ici est au passif. Qui souligne? Celui qui pardonne, c'est Dieu, en collaboration avec ceux qui confessent leur péché. L'action est sur Dieu. Et pour ceux qui ne veulent pas vivre le pardon, Dieu dit, à vous le choix. Et dans ce texte ici, un texte missiologique, un texte apostolique, une action missionnaire. C'est comme Jésus nous envoie dans le monde, animé de l'Esprit, avec une action de partager le message du pardon des péchés. Et certaines personnes disent, « Oh, j'ai hâte d'être pardonné. Le fardeau est trop lourd. » Et d'autres personnes vont dire, « Je m'en fous sur ce que Dieu ou Jésus dit. Moi, je vais vivre comme moi je veux. » Mais l'action est toujours sur Dieu. Donc, ce texte ici souligne que notre action dans le monde est une continuité du ministère de Jésus. Le ministère de Jésus n'a pas terminé quand il a monté au ciel, parce que il nous a passé le flambeau. Et voici le texte parfait pour nous inviter de participer dans la mission de Dieu. Et je le dis de cette façon, dans la mission de Dieu. Ce n'est pas notre mission. Ce n'est même pas la mission de l'Église Roi des Rois. Selon ce texte, c'est la mission de la Trinité missionnaire. Et nous sommes invités de participer dans cette mission. Une mission d'incarnation, de service, d'une déclaration audacieuse que Dieu existe, une mission où nous avons et nous sommes animés par l'Esprit, et une mission d'offrir, de proposer, pas d'imposer, mais de proposer le pardon que Dieu nous a offert. Et si je peux ajouter, that's it, that's all. C'est pas plus compliqué que ça. Et des fois, j'ai l'impression que parce que d'incarner Jésus au travail, moi, je sais aussi bien que vous, c'est pas évident. De vivre Jésus dans le milieu de travail, c'est franchement compliqué. De vivre Jésus auprès de nos voisins et nos voisines, des fois, c'est pas évident. Moi, j'habite à côté de mes deux voisins depuis 24 ans. Un de mes voisins, il est mourant. La première fois, sans blague, je n'exagère pas pour deux secondes, la première fois que je l'ai rencontré, c'était la maison, les personnes de qui Sandy et moi avons acheté une maison, c'était mon ancienne secrétaire. Donc, elle m'a vendu sa maison, une maison parfaite pour élever trois filles et pour vivre avec un nid vide maintenant pour Sandy et moi. J'aime beaucoup ma maison. Mais quand Margaret m'a présenté à René, la première chose que René m'a dit, il dit, on va bien s'entendre si tu ne me parles jamais de ta religion. Parce qu'il savait que Margaret était chrétienne et un exemple merveilleux pour René. Mais lui, il ne veut rien savoir de la religion. Et d'un côté, c'est compréhensible. Parce qu'un jour de Noël, il y a presque 30 ans, sa femme est morte le jour de Noël. Et depuis ce temps-là, il est en beau maudit contre Dieu. Il ne veut rien savoir. Maintenant, il meurt du cancer. Et je passe, je lui parle. Je dis toujours, René, Ruth, je prie pour vous. Ruth me vient souvent, elle vient même la semaine passée. J'ai dit, Ruth, comment est-ce que je peux prier pour toi? Elle me donne deux ou trois choses pour prier. Une fois, elle est venue me voir, elle a dit, « Glenn, peux-tu prier pour ceci? » Et elle l'a nommé, elle a dit, « Tes prières sont beaucoup plus efficaces que la mienne. » Mais de vivre, d'incarner Jésus, c'est pas évident. De vivre Jésus à l'université, au cégep, c'est loin d'être évident. Mais mes amis, ce texte le démystifie. Parce que pour Jésus, de vivre, d'incarner Dieu dans sa société en Palestine, sous l'emprise de l'Empire romain, lorsqu'il a été haï par les Juifs et ils l'ont crucifié, c'était pas évident. C'était pas facile. Mais comme le Père m'a envoyé, moi je vous envoie. Et pour ce cinquième dimanche de Pâques, il faut se rappeler qu'au cœur du message de Pâques, il y a cette excellente question que Jacques nous a posée la semaine passée dans l'entretien de Marie et Jésus. Et au cœur de ce message, il y a aussi ce texte en Jean 20, 21. Parce que la résurrection est une invitation de contempler et de prendre du temps avec Jésus. Et c'est aussi une invitation d'être comme Jésus était. Prions ensemble. Nous t'adressons nos paroles ce midi, profondément reconnaissant que tu as envoyé Jésus et que nous puissions expérimenter le shalom. Merci. Et merci que tu nous envoies dans notre quartier, dans notre milieu de travail, à l'université, au cégep, dans cette ville et dans ce monde, comme les personnes qui incarnent la bonne nouvelle. Merci que tu nous as invités dans ta mission. Nous voulons le pratiquer cette semaine. Au nom de Jésus.